Le pied de la croix, les douleurs de Marie par le révérend père Frédéric William Faber, édition Bré-Reto. Markem.archive.org. D'après la numérisation de la bibliothèque Sainte-Geneviève. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique. Chapitre 1er. 3. Les sources des douleurs de la Sainte Vierge. Nous pouvons maintenant nous occuper de notre troisième recherche. Quelles étaient les sources des douleurs de la Sainte Vierge? Par les sources, ce ne sont pas exactement les causes que nous entendons, mais plutôt les motifs intimes de sensibilité qui se trouvaient dans son cœur et qui donnèrent à ses douleurs leur amertume distinctive. Lorsqu'une mère perd son fils unique, cette perte est par elle-même assez amère, mais elle doit son caractère et son intensité à des circonstances qui éveillent dans le cœur de la mère des sentiments particuliers. L'enfant était si beau que sa perte paraît presque impossible à supporter. Ou bien, il promettait tant sous le rapport moral et intellectuel, il est mort si jeune, ou encore, il y avait quelque chose qui, humainement parlant, aurait pu être fait si aisément pour empêcher sa mort. Ou bien encore il y avait peut-être dans les circonstances où se trouve la famille quelques combinaisons particulières qui rendaient précisément à ce moment la coup d'une telle perte plus sensible qu'il ne l'eût été en tout autre temps. Ces circonstances, ainsi que d'autres qu'on pourrait multiplier à l'infini, sont comme des antres d'une amertume particulière, autour desquelles la douleur s'amasse, pénètre, s'étend, se gonfle et s'envenime bien au-delà de la mesure de l'affliction réelle. Cependant toutes ces choses sont pour la mère affligées les réalités les plus cruelles, et ne se bornent pas à augmenter ses chagrins d'une manière imaginaire ou purement sentimentale. En ce qui concerne la Sainte Vierge, rien ne pouvait, à cause de celui dont les souffrances causaient les siennes, aller au-delà de l'affliction réelle. Au contraire, la douleur humaine, la douleur même de Marie ne pouvait égaler la véritable cause de sa souffrance. Néanmoins, il y avait aussi dans son cœur des centres autour desquels ses chagrins se rassemblaient pour ainsi dire en plus grand nombre. Lui était plus pénible et produisait des élancements plus violents qu'ailleurs. Ce qu'il nous faut maintenant considérer, ce sont ces centres, ces sources spéciales d'amertume continuelle, mais en même temps nous ne devons pas oublier que les perfections du cœur de Marie dépassent tellement la portée de notre intelligence, qu'il s'y trouvait sans doute plusieurs sources de douleurs poignantes pour elle que nous ne pouvons apprécier, que nous ne pouvons même nous imaginer. Nous ne devons pas oublier que, pendant que nous traversons un pays qui nous est connu, il faut songer aux régions situées au-delà, régions encore inconnues et dont la découverte est peut-être une des nombreuses occupations pleines de délices réservées au ciel. La première des sources de douleur pour Marie était la pensée qu'elle ne pouvait mourir avec Jésus. Il n'y a guère de mère qui, dans de semblables circonstances, n'eût vivement désiré la mort. Pour un cœur brisé, la mort est préférable à la vie. Et, lorsque la mort n'est pas une séparation, mais une union non interrompue, une union transférée de cette terre désolée dans le sein de notre Père Céleste, quelle mère affligée ne la considérerait pas comme une inexprimable faveur? Il en est ainsi au plus haut degré pour Marie. Jamais un fils ne fut aussi cher à sa mère terrestre que Jésus ne le fut à Marie, jamais un fils ne fut aussi bon, aussi beau, aussi aimé, aussi véritablement fils, qu'il ne le fut pour sa mère. Les droits du père et de la mère se concentraient à la fois dans le cœur de Marie, de sorte que Jésus était deux fois son fils, doublement son fils. Qui pourrait décrire les attraits de son humanité sacrée? qui pourrait dire comment l'amour de Marie s'enracina dans les profondeurs de son cœur maternel. En outre, il était Dieu, et il lui avait obéi pendant 33 ans, dans une union d'amour si ravissante que Marie en aurait mille fois perdu la vie s'il ne l'eût soutenue, non en modérant la douce véhémence de son amour, mais en fortifiant son cœur par sa toute-puissance. Il partait, le soleil divin se couchait dans une mer de sang, parmi les nuages effrayants de l'ignominie. Pouvait-elle jamais l'oublier? Jusqu'à la fin, le calvaire devait être dans son cœur. Ce devait être un de ces souvenirs que le temps ne peut jamais affaiblir, une de ces horreurs que la distance rend plus horrible lorsque notre vue peut les embrasser sans que leur excès amène la confusion. Mais quand bien même il en serait autrement, Jésus ne serait plus auprès d'elle, et pourquoi alors vivrait-elle? Pourquoi vivrait-elle donc? Le soleil de sa vie était éteint, c'était une fin plus véritable pour elle que ne l'eût été la fin du monde, c'était des ténèbres inconcevables et qui pouvaient même paraître absolument impossibles, car, comment le monde pouvait-il continuer d'exister sans Jésus? Lorsque notre Sauveur ferma les yeux, on put croire que toutes les bénédictions étaient retirées de la terre et que toute la splendeur en allait être couverte d'une ombre froide et glacée. Quand les 12 accents de sa voix ne furent plus entendus, assurément toute la nature allait garder un silence que rien n'eût interrompu, sans les cris du peuple en délire qui devait continuer à se multiplier, et à se répéter à jamais au travers de l'espace. La terre devait avoir Pierre, Marie devait avoir Jean, l'un devait être l'apôtre du monde, et l'autre l'apôtre de la mer, mais Jésus allait partir. On peut se demander non seulement pourquoi Marie devait vivre, mais encore comment elle vivrait. Lui était-il possible de vivre sans Jésus? Non, sans doute, ô tendre mère, si ce n'est par le secours de la toute-puissance. Que l'amour de Marie doit avoir été prodigieux pour obéir à la volonté de son fils sur le calvaire, à cette volonté qui lui prescrivait la séparation, à cette volonté qui l'obligeait à prolonger sa vie pendant 15 mortelles années d'un incompréhensible martyre. Elle l'avait une fois prié de changer l'eau en vin, et il lui avait répondu que son heure n'était pas encore venue. Néanmoins, suivant le désir de Marie, le miracle avait été accompli sans qu'elle eût besoin de renouveler sa prière. C'est ce que, sur le calvaire, elle ne pouvait guère avoir oublié. Cette prolongation de 15 années de vie était conforme à la volonté de Jésus. Mais si, pour un moment, Marie manifestait une volonté contraire. La mère aurait-elle à supplier longtemps son fils mourant? Une parole, un regard suffisait. Pourquoi demeure-t-elle en repos? L'aime-t-elle plus maintenant qu'elle ne l'aimait à Cana en Galilée? Est-ce un amour plus grand de rester et de faire la volonté de Jésus que de s'en aller avec lui et de jouir de sa beauté? Est-elle plus sainte maintenant qu'elle ne l'était alors? Car la sainteté, à mesure qu'elle s'accroît, perd sa propre volonté dans la volonté de Dieu. Ces deux faits sont certains, et c'est en grande partie le résultat de ses douleurs. D'autre part, descendue comme son fils dans les abîmes de la douleur, n'en a-t-elle pas été, pour ainsi dire, enchantée? De même que Jésus désire de plus grandes souffrances et qu'il éprouve comme un regret divin de l'insuffisance même des excès du calvaire, ainsi Marie désire souffrir davantage, et Jésus lui donne ce que son Père ne lui accorde pas à lui-même, une autre passion de 180 mois. Il faut aussi se rappeler que ne pas mourir avec Jésus était pour Marie une douleur spéciale que nous ne pouvons apprécier, que nous ne pouvons que contempler de loin. Son union avec Jésus lui était si habituelle, si étroite et si essentielle, qu'elle était devenue sa vie. Et maintenant, dans le plus important de tous les actes, elle n'allait pas pouvoir lui être unie. Elle allait différer de lui, lorsqu'elle désirait le plus vivement de lui ressembler. Bien plus, ce manque d'union devait entraîner une véritable séparation, et qui pourrait apprécier ce que cette séparation était pour Marie? Cependant, son amour eut la prérogative de souffrir plus longtemps que notre Seigneur et de lui survivre dans les souffrances pendant un laps de temps presque égal à la moitié de celui qu'il avait vécu. Nous trouvons qu'avancée bien loin dans la sainteté la plus éminente, à peine fut-elle jamais plus intimement unie à son Fils que lorsqu'elle le laissa partir sans elle. Une autre source de douleur qui accroissait l'amertume des souffrances de Marie, était la connaissance qu'elle avait que ses propres douleurs augmentaient celles de Jésus, et faisaient même partie de ce que son agonie avait de plus cruel. Parmi les souffrances de son Fils, il n'y en avait pas une pour l'allégement de laquelle elle n'eût voulu donner des mondes. Nul opprobre n'était infligé à Jésus sans percer l'âme de Marie, sans faire saigner son cœur. Lorsque les coups et les blasphèmes, les insultes, les moqueries et les mauvais traitements se multipliaient contre notre Seigneur, chaque nouvelle violence paraissait à Marie la limite de ce qu'elle pouvait supporter. Il lui semblait que la mère de ses douleurs n'attendait qu'une goutte de pluie pour se précipiter sur les sources de sa vie et les emporter dans une effroyable inondation. Et cependant elle sentait que la vue de son cœur brisé, sans cesse présente aux yeux de son Fils, était plus terrible pour lui que la flagellation, que la couronne d'épines, que les crachats et les soufflets. Elle était devenue, pour ainsi dire, le principal bourreau de son Fils bien-aimé. Plus elle l'aimait tendrement, plus elle s'attachait affectueusement à lui, plus elle supportait volontairement ses souffrances, plus profondément aussi leur pointe acérée pénétrait dans l'âme de Jésus. Elle savait tout cela, et cependant il n'était pas en soi, pouvoir de restreindre ses propres douleurs. Sa sainteté même les rendait mille fois plus grandes. En vain s'efforçait-elle de les réprimer, l'effort qu'elle faisait était une angoisse, un visage calme, une attitude ferme, des yeux sans larmes, n'eussent pu cacher à Jésus les abîmes secrets du cœur immaculé de sa mère. Qui pourra dire les tortures que souffrait ainsi ce généreux dévouement, cruauté apparente de l'amour immense, qui avait voulu que Marie fût une partie intégrale et prééminente de la cruelle passion du Sauveur. Qu'il connaissait bien la plénitude des grâces qui étaient en Marie, quelle confiance parfaite il avait dans l'immensité de sa sainteté. La vie n'avait pas été pour Jésus sans joie, et même sans joie terrestre. Sa mère avait été tout un monde de douceur pour l'homme de douleur, et maintenant, dans son amour pour Dieu, dans son amour pour sa mère, dans son amour pour nous, il change toutes ses eaux douces en un océan de la plus âcre amertume pour lui-même. Et étanche sans cesse sa soif au milieu des mystères variés de sa terrible passion. Il connaissait si bien l'amour de Marie, il en calculait si exactement le courage, qu'il n'hésita pas à placer sur elle une croix dont le poids approchait si fort du poids de la sienne. Mais ce qu'était tout cela, malgré la conformité du cœur de Marie à la volonté de son Fils, et quel excès de misère, quelle douleur sans égale en résultait, nous sommes impuissants à le dire. Lorsqu'il s'agit des douleurs de Marie, près du rivage même, la mer est bien profonde. Mais Marie doit-elle être simplement passive? Si, par la volonté de son Fils, elle doit être une partie de sa passion, n'est-il pas permis à Marie de penser que la tendresse de son amour apportera, en réalité, quelque soulagement aux souffrances de son Fils? Elle a été trop près du Verbe incarné pour ne pas comprendre l'étrange union de la peine la plus vive avec la plus vive joie, qui fut l'état régulier de l'âme sacrée de Jésus sur la terre, est l'amour d'une telle mère, amour plus profond que les sources mêmes de l'affliction, ne pouvait-il pas devenir une source de joie pour le cœur de son fils? Le dévouement héroïque de la mère doit assurément causer au fils la plus délicieuse satisfaction, et cependant nous nous hasardons à supposer qu'il n'en fut pas ainsi. Les analogies de la passion nous semblent toutes indiquer le contraire. Jésus éloigna de sa nature inférieure la béatitude sensible résultant de la vue lumineuse de Dieu, il se dépouilla et se détacha d'une manière merveilleuse de tout ce qui aurait pu le consoler. Le délaissement de son Père était un abîme dans lequel il se proposait de descendre, il ne put guère permettre à l'amour de sa mère d'être pour lui une aide et une consolation. Il est difficile de croire qu'il eût conservé, pour l'éclairer au sein de ses ténèbres, la plus grande joie terrestre que son humanité sacrée ait jamais connue. En effet, il y aurait eu là un défaut d'harmonie avec la passion, avec cette désolation si complète et si sombre dont Jésus s'entoura, et qui fut la plus vaste, la plus terrible des solitudes de l'âme que l'homme connut jamais, plus terrible pour lui, le Sauveur sans péché, que ne l'avait été pour qu'un la terre inhospitalière avec toutes ses formes et ses ombres de terreur, lorsque, les mains teintes de sang et le cœur endurci, il la vit s'étendre devant ses pas, quoique torturée par les remords. Non, Marie ne pouvait penser qu'à cette heure-là son amour pût soulager le cœur sacré de son fils. Mais ne pouvait-elle donner aucun soin maternel à Jésus? Hélas, ces soins ne pouvaient être autres que ne l'avaient été autrefois ceux de la mère des Maccabées. Les épines faisaient couler lentement et péniblement le sang dans les yeux de Jésus, et Marie ne pouvait s'approcher pour essuyer le sang de celui dont la fonction spéciale est pour toujours d'essuyer les larmes de tous les yeux. Les lèvres de Jésus sont desséchées par la soif, décolorées, crevassées, mais elle ne peut humecter un seul instant, avec son voile humide, les lèvres de ce fils, dont le sang ne cessera de rafraîchir désormais, pour des milliers d'âmes, les feux du purgatoire. Cette tête endolorie et qui n'a aucun coussin pour s'y reposer, cette belle tête, pour Marie, la plus belle des choses créées, s'appuie-t-elle en arrière, les épines s'y enfoncent, s'incline-t-elle en avant, tout le corps est suspendu au clou. Que ne peut-elle soutenir dans ses mains maternelles cette tête si chère et l'y laisser reposer quelques instants jusqu'à ce qu'il meure? Non, il n'y a alors, ni pour Marie, ni pour Jésus aucun soulagement. Mère, ne dérobez à votre fils aucun joyau de sa parfaite passion, mais voyez combien à chaque instant il étend généreusement pour vous les limites de l'océan de vos douleurs. Cependant, c'est pour Marie une troisième source de douleur de ne pouvoir alléger la passion de son fils. Ce fut pour elle une autre cause d'affliction particulière d'être témoin oculaire de la passion. Les révélations de saints personnages nous apprennent que, quoique la Sainte Vierge ait été absente corporellement pendant les souffrances de Gethsémani, elle assistait en esprit et elle suivait intérieurement les phases variées de l'agonie de notre Sauveur avec une mystérieuse et surnaturelle sympathie. Elle était corporellement présente à la flagellation, à l'Ecce-Homo, sur le chemin de la croix, pendant tout le temps du crucifiement. Il nous paraîtrait probable que Marie n'entra pas dans les maisons d'Anne et de Caïphe, mais qu'elle resta à la porte et qu'elle entendit non seulement les insultes, mais encore les coups qui furent donnés à Jésus, et qu'elle ressentit pendant ce temps une douleur toute particulière de sa séparation d'avec son fils. Cependant, c'était une chose affreuse pour une mère, surtout pour une mère éminemment sensible et si tendrement aimante, d'avoir à suivre son unique enfant à chaque pas de ce drame sanglant. C'eût été un horrible martyr pour Marie de passer 16 heures retirée dans l'appartement des femmes d'une maison orientale, d'entendre les cris éloignés de la multitude furieuse ou d'écouter les tristes nouvelles apportées de moment en moment. Cependant, il eût été plus facile de s'y recueillir pour souffrir dans la paix et la tranquillité. D'autres du moins auraient pu passer ce temps en prière avec plus de calme, mais il n'en était pas ainsi pour Marie, son fils était Dieu. Il était meilleur pour elle d'être auprès de lui, plus on est près de Dieu, mieux cela vaut toujours pour nous tous, mais pour la mère de Dieu, plus que pour tout autre. Quoique son union avec le Dieu invisible fût continuelle dans tous les temps et dans tous les lieux, néanmoins Marie priait mieux en voyant Jésus. En outre, elle n'avait pas la salutaire distraction qu'ont les femmes chrétiennes dans leur affliction. Elle n'était pas partagée entre l'enfant chéri qui lui était ravi et le Dieu très saint qui lui infligeait ce coup. Sa douleur et sa religion ne suivaient pas deux chemins différents. L'enfant souffrant et le Dieu très saint n'étaient qu'un seul et même objet, c'était là ce qui faisait l'unité accablante de ses douleurs. Il fallait donc que Marie s'avançât et suivît les pas de Jésus, qu'elle mouillât ses pieds dans le sang qu'il avait laissé derrière lui. Il fallait qu'elle écoutât le bruit affreux des coups de fouet qui fendaient l'air, qu'elle en comptât les marques, qu'elle laissât pénétrer dans son cœur la variété des sons qu'il produisait et qui lui causaient de mortelles angoisses quand il tombait sur l'une ou l'autre partie du corps sacré de son fils. Il fallait que Marie vît Jésus dérisoirement appelé roi des Juifs et des gentils, lorsque Pilate, moitié par une indigne pitié, moitié par une impitoyable dérision, l'abandonna à la foule. Marie seule adorait la majesté royale de son fils, au moment où elle était presque anéantie elle-même par la violence de sa douleur. Il lui fallut entendre sur le calvaire les lugubres coups de marteau qui enfonçaient les clous et dont les sons amortis par la tendre chair des mains et des pieds de Jésus transperçaient son âme. Il lui fallut écouter les 7 belles paroles prononcées sur la croix par le Christ, comme s'il eût chanté lui-même son hymne funèbre, ces paroles d'une mélancolie si suave, qu'elle eût pu suffire pour arracher l'âme vivante de Marie de son corps faible et souffrant. Toutes ces choses étaient terribles. Cependant Marie était une vraie mère. Elle n'eût pas consenti un seul instant à ce qu'il en fût autrement. C'était là une portion de la royale sublimité de son cœur. Mais ce fut pour elle une indicible aggravation de souffrance. Il est vrai que toutes ces circonstances étaient présentes à ses yeux dans la plus claire des prévisions, du moins depuis la prophétie de Saint Siméon. Mais la sensation est quelque chose de plus que la prévision, et quelque chose qui en diffère. Les sens trahissent l'assistance que donne la raison. Ils interrompent cette tranquillité intérieure dans laquelle les plus sombres visions peuvent prendre possession de l'âme sans la troubler. La vue trouble ce recueillement qui est notre attitude et notre force lorsque nous souffrons. Elle empêche l'âme de se tenir sur ses gardes, ou l'oblige à des efforts pénibles pour y rester, et conserver le courage nécessaire. De plus, les sens sont spécialement affectés par la vue, par les sons et par les atteintes de la douleur, ils pénètrent la chair et la font frissonner de douleur, ils torturent les nerfs, glacent et brûlent le sang tour à tour, percent le cerveau comme des poignards, et serrent comme dans un étau le cœur bouleversé. Ce fut le spectacle même de la passion qui fit que le martyre de Marie eut lieu dans son corps aussi bien que dans son âme. Voilà ce qui en fit quelque chose de plus que le douloureux épuisement physique dans lequel l'excès d'un effort mental laisse le corps, parce que ce spectacle mit chaque membre à la torture et fit de chaque pulsation un instrument de douleur. Nous trouverons une autre source des douleurs de Marie dans sa vue distincte et son appréciation du péché. Nous ne pouvons douter qu'indépendamment de l'impeccabilité et de la splendeur de la maison de Marie, notre Seigneur ne lui permit de participer en quelque mesure à cette connaissance surnaturelle du péché, de son excessive malice, et à la haine adorable qu'il excite en Dieu, connaissance qui distingua Jésus, et qui donna aux souffrances de sa passion leur véritable caractère. Ce fut la vue du péché qui crucifia l'âme de Jésus au jardin des Oliviers. Ce fut le fardeau du péché qui le renversa par terre. Ce fut le calice de la colère de son Père qu'il pria ce Père céleste, avec tant de tristesse, d'éloigner de lui. Nous lisons que sainte Catherine de Gênes tombait en défaillance quand il plaisait à Dieu de lui montrer en vision l'horreur réelle d'un seul péché véniel. Il ne pouvait y avoir de défaillance pour Marie. Elle était trop forte, trop parfaite, trop accomplie pour de pareilles faiblesses. L'usage de sa raison, qui avait commencé au moment de son immaculée conception, et qui n'avait jamais été interrompu un seul instant depuis, ne pouvait être convenablement suspendu par aucune léthargie, par aucun évanouissement. Mais on doit nécessairement supposer que, quels que fussent les dons surnaturels accordés à sainte Catherine de Gênes, ou à d'autres saints pour voir le péché, les dons de cette sorte accordés à la Sainte Vierge surpassèrent ceux des autres plus qu'on ne saurait le dire. En vérité, quand nous considérons d'un côté le rôle que la vue si pénétrante du péché joua dans la passion de notre Seigneur, et de l'autre, la communication d'attributs, si l'on peut s'exprimer ainsi, qui eut lieu entre la passion et la compassion de Marie, nous sommes obligés de supposer que notre tendre mère fut douée d'une considérable partie de cette vue, si étonnante et si accablante en Jésus. Personne n'estima comme Marie l'innocence sans tache de la victime. Personne n'apprécia si bien la beauté et la sublimité de sa bonté. Personne non plus ne sonda comme elle l'ingratitude de ceux qui l'avaient instruit, nourri, guéri, consolé avec une patience si désintéressée et une affection si pleine d'égards. Personne ne sentit d'une façon plus poignante les excès de barbarie commis dans les heures cruelles de la nuit du jeudi saint et de la matinée du lendemain. Quand toutes ces pensées furent réunies en une seule, avec quelle clarté soudaine Marie ne vit-elle pas l'étendue, la variété, l'intensité, la malignité du péché spécial de la passion. Mais elle voyait encore davantage. À ses regards apparaissait, sur les épaules courbées de son fils, la vision hideuse, épouvantable, gigantesque, des péchés du monde entier. Ce n'est pas tout, elle voyait encore jusqu'aux hauteurs de la divinité de Jésus, elle voyait que c'était véritablement Dieu que tout ce péché atteignait, attaquait, couvrait d'opprobre et frappait de mort. Et il semble qu'une lumière immense émanant d'un autre univers plus divin ait brillé au moment de la passion, et répandu de si vive clarté sur le péché, que nul autre que Jésus ou Marie n'aurait pu les soutenir et les supporter. Que ne pouvons-nous mieux exprimer ce qu'était la douleur causée par cette éclatante lumière, mais cela nous est impossible. Pourrions-nous vivre si Dieu nous montrait à nous-mêmes tels que nous sommes? Il faut que nous soyons devenus immortels avant que l'heure de notre jugement arrive, mais les péchés du monde entier, qui se concentraient dans la passion, Marie les voyait tout entiers, et l'agonie qu'elle en éprouva lui fit souffrir mille morts intérieures. Il n'est pas facile de dire quel a été le point culminant, quelle a été la plus profonde blessure de la passion. Les instruments de la passion n'étaient pas tous matériels, il s'y trouvait des lances, des clous, des marteaux, des épines et des fouets invisibles. Ils étaient intellectuels et moraux aussi bien que physiques, et, sous ces trois natures, les instruments de torture étaient à la fois nombreux et variés. Chacun d'eux pénétrait jusqu'au vif. Nul d'entre eux ne doit être considéré comme supérieur ou subordonné à d'autres. Chacun d'eux avait à sa manière sa prééminence. Tous s'élevèrent trop haut pour que nos yeux puissent les suivre. Mais il n'est pas facile de dire lesquels d'entre eux, s'il y en eut, s'élevèrent en Jésus à de plus grandes hauteurs que les autres. La passion fut un excès d'excès. Tout ce qui lui appartient était en excès. C'est là, en grande partie, ce qui l'empêche d'être rabaissé à une simple épopée de souffrance humaine, indépendamment même de la divinité du Christ. Mais il s'y trouve des choses que nous pouvons concevoir comme plus douloureuses que d'autres ou comme produisant des blessures dans des endroits plus sensibles. Il y en a une dans la participation de laquelle nous reconnaîtrons une sixième source des douleurs de Marie. C'est l'ingratitude prévue que témoigneront les fidèles pour la passion de notre Sauveur. La mère de l'Église, la reine des apôtres, la voit tout entière dans son cœur. En effet, à ses yeux se déroule un immense panorama d'indifférence au sujet du péché pardonné, de rechute dans le péché mortel, de péché véniel se répandant comme des hordes innombrables sur toute l'âme et dévastant ce paradis de Dieu, de négligence venant de la froideur du cœur, d'imperfection contre la décence, de viciamment éloigné de la mortification, de dégoût pour les choses spirituelles, de l'usage trop libre et trop insouciant de ces grands sacrements qui coûtèrent si cher à notre Sauveur, de caractère jaloux et soupçonneux, d'une tiédeur révoltante se masquant sous une tiédeur vaniteuse, et de ce nombre infini d'êtres pusillanimes parmi lesquels un saint s'élève çà et là, d'une manière à peine perceptible, comme un palmier au milieu des nuages que forment les sables du désert. Et ce n'était pas tout à fait là une vision de l'avenir. Où était Pierre? Pleurait-il à l'abri de quelques grottes hors des murailles, dans l'abondance de la grâce qu'il avait nouvellement reçue? Où était André, lui qui devait être le modèle de tous les amants de la croix? Où était Jacques, dans le diocèse duquel son maître était alors crucifié? Il y avait la tendre Madeleine, il y avait le cœur sublime de Jean, il y avait Marie elle-même pour représenter le monde sur le calvaire. Hélas, quand même, depuis ce jour, tout être baptisé eût dû être un saint aussi grand qu'un apôtre, la passion pour cela eût-elle cessé d'être sensible, et, après tout, mal récompensé? Mais, s'il ne devait pas en être ainsi, du moins ceux qui aiment Jésus l'aimeront avec ardeur. Tous ceux qui doivent être sauvés seront des saints avant d'arriver au ciel, des saints qui n'auront pas besoin de passer à travers la mer de feu située sous la terre, des saints même pendant leur séjour ici-bas. Non, des créatures dont, le cœur ne s'attache à Dieu qu'à demi en s'approchant des sacrements à de rares intervalles, les hommes qui ne fréquentent les églises que les jours de fête, et qui, comme des animaux entêtés et stupides, hésitent sottement indécis entre le pasteur et le mercenaire, donnant leur amour au plaisir du monde, et leur crainte à Dieu quand il fait entendre son tonnerre, des êtres qui jouissent sans mesure, sur la terre, de la vie et du temps, et qui cherchent à saisir l'éternité quand ils sont sur leur lit de mort, voilà ceux qui doivent avoir pour père le crucifié. Oh pour le cœur généreux et héroïque de Marie, c'était là un spectacle aussi douloureux que la passion elle-même tout entière. Elle voyait, au-dessus du côté percé et saignant de Jésus sur la croix, le cœur du Sauveur abattu à cette vision, et ce spectacle donnait son propre cœur en proie à un accablement et à un dégoût indicible. Mais que dirons-nous de la vue de ceux qui devaient se perdre? Songez à la valeur de chaque goutte de sang. Et que parlons-nous de gouttes? Marie glisse dans le sang. Il a dégoutté sur ses mains et les a couvertes lorsqu'elle embrassait la croix. Le sang s'étend comme une longue traînée de pourpre entre le pied de la croix et la colonne de la flagellation. Les racines noueuses des oliviers de Gethsémani en sont rougies en plus d'un endroit, voyez les étoiles innombrables, cette poussière lumineuse répandue au milieu de la nuit sur la voûte brillante des cieux. Un seul des coups de fouet que reçut notre Seigneur les aurait toutes rachetées, si elles étaient toutes tombées 1000 fois. Que serait-ce donc s'il y avait 6000 coups de fouet? Quel calcul de l'infini de la rédemption! Et tout ce sang, tous ces coups de fouet ont été donnés pour chaque âme en particulier, chaque âme possède pour elle-même et s'en partage ses rédemptions infinies, et cependant, que d'âmes perdues pour l'éternité! Voilà le prix que le Christ a payé, et il s'en voit dérober la valeur. Si une seule âme pour laquelle toute cette passion a été subie à dessein et avec intention dans un appareil tel que l'univers n'en avait jamais vu auparavant, et par un sacrifice si inconcevable, offert à Dieu par Dieu lui-même, si une seule âme, disons-nous, avait dû périr pour l'éternité, et triompher, par ses offenses, de l'amour de son Sauveur, si une seule âme avait dû dessécher par les feux ardents de l'enfer les océans de ce sang divin, quelle angoisse pour le Sacré-Cœur de Jésus! Cette vue aurait pu lui arracher un plus grand cri que celui qui s'échappait du cœur tendre et déchiré de Jacob, lorsqu'on présenta à ses regards la tunique de Joseph couverte de taches de sang. Quelle douleur souffrit-il donc, puisque non seulement une seule âme, mais des millions et des millions de millions devaient se perdre. Quelle douleur, même si l'on pouvait douter, si nous n'étions pas certains que parmi les fidèles autant d'adultes se perdent qu'il y en a qui se sauvent. Eh bien, suspendu à la croix, Jésus ne se repentit pas d'endurer son supplice. C'est là tout ce que nous pouvons dire. Mais il souffrait un autre crucifiement invisible et beaucoup plus cruel que celui du bois, du fer, du sang, du titre dérisoire que nous voyons. C'était le crucifiement d'un cœur déjà crucifié, supplice causé par la pensée de la multitude innombrable de ceux qui se détacheraient de lui, qui cesseraient d'être ses membres et se perdraient. De ceux que l'envie triomphante et la rage de Satan sépareraient de lui cruellement, et en démembreraient d'une manière irrémédiable. On ne brisa pas ses os, mais les os de son âme furent tous brisés par cette cruelle passion intérieure. Dans cette sombre agonie, dans ce calice particulier, Marie eut aussi sa part, et si en ce moment elle put distinguer ce que cette pensée lui faisait souffrir à cause de son immense amour pour Jésus, de ce qu'elle lui faisait souffrir à cause de son immense amour pour les âmes, alors elle vit deux abîmes séparés et effrayants, dans lesquels, à demi-morte d'angoisse, il lui fallait entrer volontairement malgré l'horreur qui l'en éloignait. Telles furent les 7 sources des douleurs de Marie, au-dessous desquelles était la source principale, la source de toutes les autres, c'est-à-dire la beauté incomparable de notre bien-aimé Sauveur lui-même. C'était elle qui rendait chaque souffrance si vive et si douloureuse. C'était elle qui aggravait tout, mais ne pouvait rien exagérer, parce qu'elle ne pouvait rendre rien plus grand qu'elle-même. Marie ne connaissait pas même toute cette beauté, qui était incompréhensible, absolument incompréhensible en elle-même. Mais ce qu'elle en connaissait est tellement au-dessus de nous et au-delà de notre portée, que nous ne pouvons nous-mêmes le comprendre. Cependant nous pouvons dire de grandes paroles sur la beauté de notre Sauveur, nous pouvons en avoir des pensées qui surpassent toutes les paroles, et, si même les pensées viennent à manquer, nous pouvons pleurer. Verser des larmes dans un céleste attendrissement. Nous pouvons être consumés par l'amour et mourir de la beauté de Jésus, nous parviendrons ainsi au séjour de Marie, Mais nous n'atteindrons pas encore à l'intelligence qu'elle avait de l'infinie beauté de Jésus. Dans les profondeurs et dans les abîmes incommensurables du cœur de Marie, cette beauté était un océan qui, parfois, se soulevait, débordait dans d'autres mers situées au-dessus, et en remplissait les ondes d'une amertume insupportable.